Je pense que ça vient de ton Jack femelle qui a un souci. C'est parce que ça coûte, change-le, hein, carrément. Moi, j'avais eu ce problème sur une Les Paul que j'ai, là, une Epiphone. Et j'avais un souci, j'avais toujours un contact qui apparaissait et je me demandais ce qui se passait. Réfléchis bien, Mike, tu verras que tu peux retourner le problème dans tous les sens. Si la pile se vide, c'est qu'il y a un contact qui reste établi. Sinon, la pile ne peut pas se vider une fois débranchée.